extraterrestres. Mais le même jingle, c'est moyen. Il est signé. Toutes les semaines, je te le dis, moi. Moi, je travaille. Oh, Malouda. Sur le blog, on refuse que tu aies un nouveau jingle, je te signale. Bon, bah écoute, moi, je suis bête et discipliné. Hein. Je ne changerai pas mon jingle. Les auditeurs l'adorent, ton jingle. Alors, vous n'avez quand même pas souhaité un bon anniversaire à notre ami Luis Fernandez, qui a 52 ans. Vous l'avez fait. On l'a fait pas, hein, ce soir, c'était hier. L'enfant des Minguettes. C'était hier, comme l'anniversaire aussi plus triste de la mort de Francis Borrelli. Eh, c'est autre chose. Deuxième foutage d'ambiance en l'air, merci Daniel. Bon, en tout cas, Louise, voilà, l'enfant des Minguettes. Alors, les Minguettes, c'est un quartier, hein, c'est pas les danseuses de Didier Mingo. Encore que ça serait tentant. Les Minguettes. Franchement, ça serait tentant, rien qu'y penser. Hein. Viens, Rob Mangosto, viens. Je sais pas, ton côté brésilien, là, je l'imagine derrière. Wow, wow, wow. Ça serait pas mal. Hein. Les Minguettes. À creuser. Après, faut qu'il vienne à Rome. Je vais venir. Ouais. Polo, qui se la racontait parce que, soi-disant, en Allemagne. Les buts en dehors de la surface, la Bundesliga est numéro 1. Je rappelle quand même que les buts en dehors du cadre, c'est encore la Ligue 1 qui est première, si ça ne dérange pas. Coco Rico, Fifi qui nous apprend avec Chesque, c'est vrai qu'il était un peu cramé, qui dit qu'à 24 ans, on peut être plus vieux qu'à 30 ans. Et c'est vrai que Kassapa, à 24 ans, il était plus vieux que les mecs de 30 ans. Donc c'est vrai, ça se confirme sur plein de cas. Moi j'ai bien aimé. Alors c'était quoi le match là, le mec, j'adore, mais il y a un joueur que j'adore à Tottenham, c'est Vendeur de Cravate, là, le mec qui a marqué le but. Raphaël Vendeur de Cravate, qui est vraiment mon joueur préféré. Et Fred, alors il dit que lui voudrait qu'il y ait que des gens du bled dans les équipes, tu sais, des ch'tis, des machins. Moi j'imagine une équipe de Monaco, j'ai la charnière avec Stéphanie, Albert et Caroline, et Léo Ferré et Flavio Briatore en attaque, parce que sinon il n'y a pas d'autres, hein. Des vrais monégasques, il n'y en a pas. Hein. Donc, mais bon, donc ça marche pas partout. Olivier Dacour qui nous apprend qu'il est étudiant et qu'il va être avec Zinedine Zidane. Alors, j'imagine Zinedine Zidane qui fait des études. Je sais pas ce que vous étudiez, j'espère que vous étudiez pas la langue française, tout ça, parce que j'imagine l'autre dit. Alors Zinedine, on va étudier la grammaire. Tu parles de ma grammaire là ? Tu parles de ma grammaire ? Et paf, coup de boule, et il prend tout mal. Ça, c'est Gilou. Le PSG qui s'est bien remis de sa défaite à l'Atlético. Atlético, c'est un club, hein, Madrid. Hein, c'est pas, parce que chez nous, l'Atlético, c'était un derby entre Rennes et l'OM. Hein, c'était les deux clubs d'athlètes. Mais là-bas, c'était un club. Non, on va laisser l'OM tranquille. Camboré, on a appris à jouer les pères fouettards. Il va jouer les pères fouettards. Il fouette ses joueurs, hein, pour pas qu'ils s'enflamment. Tu me diras, Deschamps, lui, ses joueurs s'enflamment pas, mais il fouette aussi. Hein. Il fouette de plus en plus, le pauvre. Alors, je suis juste dégoûté d'un truc, les mecs. Je viens de me rendre compte que je connaissais mieux le rugby que le foot. Et ça m'attriste quand même, parce que j'en ai rien à cirer du rugby. Moi, personnellement, je fais semblant devant Pesanti, mais je m'en fous. J'ai pas vu un match depuis le jubilé Papa Rambord à Uf du Manoir. Donc, autant te dire, j'en ai rien à cirer. Et pourtant, j'avais pronostiqué, il y a deux mois, les quarts de finale, j'avais dit, il y aurait Argentine, AF Sud, Australie, Néo-Zélande, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, France. J'ai tout bon. Alors que j'y connais rien. C'est-à-dire que j'ai jamais eu autant aussi bon en foot. Hein. Alors je me demande si je vais pas changer de sport, surtout qu'en plus le rugby, excusez-moi de vous le dire les gars, il y a quand même des analyses technico-tactiques un petit peu plus développées que vous. C'est quand même très à l'emporte-pièce, très comptoir. Et lui il est meilleur, lui il est machin. Moi je vais vous dire, j'ai écouté Moscato. Eh ben les mecs, quand ils analysent les puissances d'une équipe en face, eh ben c'est fouillé, c'est développé, on écoute. Je crois que sincèrement ils ont envahi le monde parce que c'était des mecs qui avaient des couilles. Voilà. Donc c'est quand même non. Alors on va me dire oui. Moscato. Ils ont envahi le monde. Mais oui, les Anglais, ils ont des couilles, encore des couilles. Mais je veux dire, effectivement, on va me dire oui, c'est Moscato. Non, c'est vrai qu'heureusement, il y a Sébastien Chabal qui, grâce à son expérience, grâce à son niveau, grâce à sa, ouais, il et développe. Grâce à ses... Voilà. Oui. Il développe d'autres arguments. On les écoute. Il faut se faire pousser les couilles, voilà, je crois qu'aujourd'hui la règle des 3C pour la sortir, des couilles, encore des couilles. Voilà. Donc si vous voulez, Danton de l'audace, c'est important. Des couilles, des couilles. C'est des couilles. Important de voir que dans d'autres sports, on a une analyse tactique très très développée. Fine, quoi. Plutôt fine, et ça nous remet un peu à notre place parce que c'est vrai qu'on se la raconte un peu avec le football. Oh, alors, en fait, tu fais le CSA du Moscato Show. Ah bah là, excuse-moi, mais à un moment donné, il faut vous remettre. Mais pour vous remettre un peu en question, les gars. C'est vrai, moi, qu'est-ce qu'il dit, ce que tu dis n'est pas totalement exact. Une des plus célèbres phrases d'Oliver Kahn, c'est « Higher, we're born higher ». C'est des couilles, vous avez besoin de couilles. Mais bien sûr, Kahn, mais Oliver Kahn, je te rappelle, il prend la main avec les mains. Pas, ne touche pas, Gilbert, Oliver à Titan Kahn. Bah, c'est un joueur de Oliver rugby. Kahn, c'était groupe pénétrant, up and under. Enfin, il a toujours joué au rugby, Oliver Kahn. Il a toujours joué au rugby. Yes, we can. Il a fait 2-3 en avant, quand même, dans sa carrière, on va pas se mentir. Vous n'avez pas parlé de Lassana Diarra mis en examen, les gars? La Sana Diarra, c'est quand vrai, même un événement quand même. Louis Fred, t'as voulu nous la faire. Alors quand même, c'est qu'il a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. C'est quand même, t'imagines la Sana Diarra quoi, qui fait du blanchiment de fraude fiscale, sachant que déjà que pour comprendre la définition de ce truc-là, faut avoir fait le latin première langue. Pour le mettre en pratique, faut battre Kasparov aux échecs. Mais lui, la Sana Diarra, lui, quand tu vois sa tronche, il l'a fait. C'est-à-dire que le mec, il y a 6 mois, il avait rien dans le cigare et il fallait une notice de cas par cas pour ouvrir une fenêtre. Mais maintenant, c'est devenu Bernard Madoff. Moi, je veux bien, hein. D'ailleurs, non, c'est dingue parce que c'est vrai que si tu regardes bien la Sana Diarra, sa boîte crânienne, on dirait un top caisse de scooter 125. Sauf que dedans, il y a que dalle. C'est-à-dire que le mec, à l'intérieur de son crâne, c'est le coup de Sirocco. S'il y a un euro de dedans sur le bout du monde, il doit sentir seul le mec. Hein. C'est Robinson Crusoe, mais moi je veux bien. Bon, on se reparle, ça y est, c'est foutu. Non, tu m'as niqué ma nouvelle relation avec la Sana Diarra. Attends, mais t'imagines. Ah, t'avais renoué les liens. Bah, on s'est reparlé, on s'est dit bonjour, c'est énorme. Tu connais son avocat à lui? T'imagines l'avocat qui l'appelle allô, bonjour, monsieur Diarra. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'avocat. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il est 15h du mat, là. Je suis sur mon canapé avec une bête de feu, maman. T'es Fast and Furious, là. Avec mon home cinéma. Non, mais je comprendrais bien. C'est-à-dire que là, on a un petit problème. On a une citation à comparaître. Mais qu'est-ce qu'il y a à comparaître, là? Rien à comparer. Je suis incomparable, là. Non, je veux dire que vous êtes mis en examen. Qu'est-ce qu'il y a, examen? J'ai échappé au BEPS, là. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec des examens? Non, mais je veux dire, quoi? C'est quand ton examen? C'est dans 2 jours. T'as Sarah, j'ai pas le temps de réviser là. Vas-y, va me faire des antisèches, baltringue. Non, mais je crois que ça sera pas. Vas-y, va me faire des anabacs, des fiches de lecture que tu prends la tête. Putain, je vais me faire défoncer si j'ai un zéro là. Ah, ça me saoule. Voilà. Donc ça, c'est la Sana Diarra. Donc ce mec-là est censé avoir fait de l'abus de bien social, je ne sais quoi. Franchement, moi, j'y crois pas trop. Alors, en plus, c'était des faits qui étaient à l'époque où il jouait à Groin là. Comment ça? Groin, enfin, c'est Portsmouth. Hein. En français, ça veut dire bouche de porc. Moi, j'appelle ça Groin. Ah bref. Passons. On a parlé de Bastia Boulogne, celui que j'appelle l'antipodico. L'antipodico, puisque c'est quand même deux équipes aux antipodes, comme un peu Porto Vecchio Dunkerque. Bah, j'aime bien les noms à la con, c'est comme il y a eu Marseille-Bastia, c'est un peu le Stivico, entre Steve Mandanda et Steve Elana. Moi j'aime bien les... Et le match au Brest. Attends, Naples-Marseille. Le Poubellico. Ah bah bien sûr. Non, je voudrais quand même revenir sur OM Brest. C'est terrible parce que franchement, c'était un match. On a l'impression de voir Nancy qui jouait contre Nancy. Et j'ai pas de mieux. Hein. Franchement, Nancy. Tu sais le truc que tu fais à la PlayStation pour déconner avec des potes quand tu veux te mettre un handicap. Attention, j'adore Nancy. Hein. C'est juste que bon, c'est difficile en ce moment. Alors toi, Daniel, t'as dit que Paris n'était pas pastoré dépendant parce que c'était très équilibré les stats. Et ben Marseille, c'est pareil. Ils sont pas Lucho dépendants parce que j'ai regardé les stats. Lucho, c'est 6 glissades, 11 passes ratées, 22 contrôles américains. Alou Diarra, c'est 4 glissades, 9 passes en retrait mal ajustées, 5 tacles à retardement et Azpilicueta, un souffloqueur. 630 tribunes et 37 mises dans le vent côté droit. Donc c'est bien, ça veut dire que c'est bien équilibré. El Flagdo est toujours là. El Flagdo, le pauvre, c'est El Commande Dante, mais le pauvre, il commande plus rien. Je crois qu'il a commandé une mauresque au bar Le Gouffet à Marseille une fois, mais c'est tout ce qu'il commande. Sinon, j'avais proposé des noms pour le stade rennais. Tu sais, on cherche des noms pour le nouveau stade. Alors moi, je pense début au Lelay Football Stadium. Mais bon, Lelay Football, ça correspond plus trop. Ou alors Lille-et-Vilaine Football. C'est un peu pareil, quoi. Ça marche pas trop. Sinon, il y a la Rennes Arena. Mais là, je pensais plutôt, comme tout le monde dort dans le stade, au Sleep Arena. Le Sleep Arena, en plus, t'as un nouveau sponsor avec les Sleep Arena. Ah, ça fait naming. Ouais, ça fait naming. En plus, tu peux mettre You Never Sleep Alone. Tu peux le chanter au début du stade. Parce que, comme disent certains supporters, on vient, on dort. En même temps, on vient de Redon. On est de Redon, pardon. On vient de Redon, ça marche plus. Hein. C'est on est de Redon. On est de Redon. On est de Redon, c'est normal qu'on dorme au stade. On vient, on dort, on est de Redon. Et pour finir, j'avais pensé aussi au Camp Mou. Ou au Bressodrome. Voilà. Bah, en tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas de chanson. On est un petit peu à la bourre et je vous embrasse tous. Bonne soirée.